Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les difficultés pour dater les cinq premiers livres de la Bible, appelés Pentateuque chez les chrétiens, Torah chez les juifs, demande l'exégète philologue Thomas Römer. Quels sont les textes qui seraient de l'époque de Salomon ou de l'époque perse? Peut-on postuler que le Pentateuque aurait été achevé au VIe siècle avant l'ère chrétienne? Entre stimulante érudition et actualisation des recherches, Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques au Collège de France, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne où il enseigne également la Bible hébraïque, poursuit sa grande enquête au cœur des textes bibliques. Il interroge cette année la naissance de la Bible entre anciennes et nouvelles hypothèses. Thomas Römer, philologue et exégète, s'attache à faire dialoguer l'archéologie moderne avec les sciences bibliques critiques. Dans cette perspective, il vient de publier avec l'archéologue Israël Finkelstein « Aux origines de la Torah » chez Bayard. Dans une interview récente autour de ce stimulant livre, Thomas Römer rappelle les grands changements qui sont intervenus dans l'archéologie de la Terre Sainte, notamment concernant les récits des origines, des patriarches ou l'Exode. Ces récits ne s'avèrent pas toujours étayés par l'archéologie. Ainsi, les royaumes d'Israël et de Juda ne deviennent importants qu'à partir des 8e-7e siècles avant Jésus-Christ. Cette approche a remis en question un certain nombre d'idées sur les règnes de David et de Salomon. Ce bouleversement des chronologies situe désormais la plupart des écrits bibliques à partir des 8e-7e siècles avant Jésus-Christ. Pour Thomas Römer, il s'agit alors de s'intéresser aux contextes historiques dans lesquels les textes bibliques ont vu le jour. Ces textes doivent être analysés de manière historique, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont une histoire. Pour mener à bien cette démarche exégétique, nous travaillons, dit-il, sur les récits les plus anciens de Qumran en comparant leur diversité selon les transcriptions, les différences de style, de vocabulaire, les ruptures, une sorte d'archéologie du texte. À partir de ces sources, nous apprenons à distinguer leurs différentes strates. L'informatique vient à notre aide par comparaison des différents récits bibliques soulignant leurs évolutions et changements. Ce sont ces questions que nous retrouvons aujourd'hui. Quand les textes ont-ils été fixés et qu'est-ce qu'un canon? Pourquoi est-il difficile de fixer une ligne de démarcation claire entre l'hébreu biblique classique et l'hébreu tardif? Enfin, la Torah fut-elle compilée exclusivement à Jérusalem? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 mars 2019 pour le cours de Thomas Römer. Aujourd'hui, comment peut-on dater les textes bibliques et quelle est l'histoire des canons de la Bible? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du canon. Comment le canon, ce qu'on appelle le canon, s'est construit. Mais auparavant, il nous faut continuer un tout petit peu dans notre enquête sur la difficulté, parce que comment ça se fait que les biblistes disent tel texte date du 7e siècle, tel texte date du 8e, tel texte date du 4e siècle? Comment peut-on savoir? C'est pas si simple que ça. Je vous ai montré, on a terminé la semaine dernière avec Spinoza, qui était un des premiers en fait à se poser la question. Et lui avait en effet une manière assez simple, en fait, argumenter en disant il y a une grande histoire qui va jusqu'au livre des rois. Donc en fait, l'auteur de cet ensemble, de la Genèse jusqu'au deuxième roi, il ne peut pas être avant la destruction de Jérusalem. Et puis donc, il pensait qu'il faut dater l'ensemble de tous ses écrits à l'époque perse.